Prenez connaissance du tableau qui suit. Écoutez les exemples. Leçon I. Lire. Leçon E. Été. Leçon E. Pelle. Leçon A. Lac. Leçon U. Bu. Leçon E. Sérieux. Leçon E. Le. Leçon E. Saveur. Leçon OU. Roux. Leçon O. Beau. Leçon O. Port. Leçon A. Gars.